Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les enfants de la thalidomide. Le thalidomide, tranquillisant d'origine allemande, vendu dans le monde entier, est-il ou non responsable de la mise au monde de milliers d'enfants monstres ? Telle est l'angoissante question qu'on se pose actuellement en Allemagne surtout, où on en consommait autant que d'aspirine. Si pour certains, le doute subsiste encore au moment de la diffusion de ce reportage en 1962, il est aujourd'hui clairement établi depuis longtemps déjà que des milliers d'enfants vont naître avec des malformations à la suite de l'utilisation de thalidomide durant la grossesse de leur mère. L'Allemagne, d'où origine la thalidomide, sera le pays le plus touché. D'autres pays le seront également, notamment le Canada, qui tardera à interdire l'utilisation de la thalidomide par les femmes enceintes. Rien qu'en Allemagne occidentale, où chaque nuit on consommait 1,5 million de ces tablettes, rien qu'en Allemagne, on compte actuellement plus de 3000 cas de malformations, et chaque jour, on compte 3 à 10 nouveaux cas de plus. Toutes ces malformations, estiment les médecins, sont dues à des empoisonnements chimiques de la mère, empoisonnements causés, pense-t-on, par ce tranquillisant fabriqué en Allemagne sous le nom de Contergan. Reportage de Pierre Rollens, diffusé à notre antenne en juillet 1962, pour nous raconter cette horreur de la thalidomide. Mon invité est Alexandre Klein. Alexandre Klein, qui est historien, philosophe de la santé, qui a également récemment co-dirigé l'ouvrage Histoire de la santé au 18e, du 18e au 20e siècle. C'est publié aux éditions du PUL. Alexandre Klein, bonsoir. Bonjour. C'est en Allemagne, donc, que tout commence. En fait, l'histoire de la thalidomide, techniquement, commence en Suisse, mais c'est vraiment en Allemagne qu'on va développer le produit. Oui, c'est le laboratoire SIBA, donc, qui est un grand laboratoire suisse qu'il développe en 1953, mais qui va lui trouver aucune application sérieuse. Et une autre compagnie, donc elle, allemande, la Grünenthal, va reprendre cette molécule, la développer et lui trouver quand même quelques petites propriétés, notamment sédatives, et va donc se lancer dans la commercialisation, tout d'abord en brevetant le produit. Parce que il faut se rendre compte aussi qu'à l'époque, on est dans une période où le médicament se développe beaucoup, et surtout après la guerre, où les compagnies allemandes cherchent aussi à se reconstruire et l'économie allemande à se reconstruire. Et donc, la Grünenthal fait partie de ces grandes industries allemandes qui travaillent sur le médicament. Ils ont beaucoup travaillé notamment sur les antibiotiques. C'est aussi la période où les antibiotiques se développent. Donc d'abord sédatif. Mais ensuite, d'autres fonctions vont se greffer, d'où les problèmes qui mèneront à ces malformations. Alors, les premiers effets sont sédatifs, puis on essayait beaucoup de choses, comme on le faisait à l'époque. C'est-à-dire qu'on découvrait des molécules, puis on essayait des applications. Mm-hmm. Et donc, quand la Grünenthal va découvrir qu'il y a des applications, ils vont d'abord le vendre comme un médicament contre la grippe. Le Gripex, en 1956. Puis rapidement, c'est comme un hypnotique, donc comme un tranquillisant hypnotique, comme un sédatif, que ça va être vendu sous le nom de Contergan, donc en Allemagne, à partir de 1957. Et c'est pour ces propriétés-là de sédatif et de tranquillisant qui va être vendu dans le monde entier. Et puis viendra la fonction anti-nauséale, ce qui fait que des femmes enceintes se mettront à prendre ce médicament. Alors, à cette époque-là, beaucoup de médicaments étaient vendus, et notamment beaucoup de tranquillisants, qui avaient des effets secondaires plus ou moins difficile, mais donc il fallait aussi que la compagnie trouve un marché, et donc se situe sur un marché, et c'est en effet la recommandation comme antinauséeux pour les femmes enceintes qui va le faire connaître. Mmh. Et en effet, il était efficace pour ça. Dans quelles circonstances et à partir de quel moment on se dit « Oups, il y a un problème ». Alors, c'est très tardif. C'est-à-dire qu'il est vendu à partir de 1957, progressivement dans le monde au fur et à mesure des années. Et puis, à la fin de 1961... Très vendu, d'ailleurs. Très, très vendu. Ouais. Non, des millions de comprimés. Rien qu'au Canada, je pense que c'est 6,5 millions de comprimés qui ont été vendus. Donc, ça se vend très rapidement. C'est un des grands médicaments qui va se vendre dans le monde entier au XXe siècle, pour vous donner un aperçu. Et donc, à la fin de 1961, il y a un médecin pédiatre à Hambourg, en Allemagne, qui commence à remarquer qu'il y a beaucoup de naissances suspectes dans les femmes qu'il suit. Et donc, on se retrouve à voir beaucoup d'enfants déformés, difformes, naître. Et là, ça commence à attirer l'attention. tout d'abord en Allemagne. Ouais. Et ce médecin, de fait, celui qui lancera ce premier grand cri d'alarme, c'est Wildeken Lenz. On l'écoute dans une entrevue qu'il accorde à ce sujet-là. En 1968, c'est au moment 68, au moment de la tenue d'un procès en ex-République démocratique allemande contre la compagnie Grünenthal qui fabrique le thalidomide. Mais c'est le même constat en 68 qu'il fait déjà en 61 et il nous en parle dans cet extrait. Au début de notre enquête, nous ne trouvions pas de facteurs communs qui auraient pu être à l'origine de ces malformations. Plus tard, nous avons trouvé dans plusieurs cas que la mère avait usé de thalidomide pendant le premier mois de la grossesse. Des constatations analogues ont été faites indépendamment dans 14 grandes villes d'Allemagne, comme en Angleterre, en Suède, en Australie, au Brésil. Dans les pays où le thalidomide n'est pas vendu, il n'y a pas d'aujourd'hui d'accroissement de malformations de ce type. C'est pourquoi nous croyons que le thalidomide soit la cause de l'accroissement des malformations dans ce genre spécial. Le thalidomide affecte principalement les bras, les jambes et les oreilles, et cela d'une façon assez caractérisée qui la différencie de la plupart des autres malformations. Le Dr. Lenz, qui l'évoque rapidement à la fin de cet extrait, Alexandre Klein, le type, en fait, de malformation que provoque la thalidomide, que produit le médicament? Alors, le médicament comme malformation a un impact direct sur le fœtus. Et le pire, c'est qu'il a un impact plus important entre la 20e et la 40e semaine de grossesse. Et c'est précisément pendant ce premier trimestre-là que les femmes ont des nausées et donc elles le prennent. Et donc, les malformations caractéristiques des thalidomides, c'est l'absence de certains membres. Alors, ça peut aller de l'absence d'une oreille, l'absence d'un doigt, d'une phalange, mais ceux qu'on connaît le plus, ceux dont on a la représentation la plus importante, c'est ce qu'on a appelé les phocomèles. Donc, c'est une déformation spécifique. La racine, c'est des membres de phoque. Donc, on comprend bien que c'est des pieds ouais. directement rattachés au tronc ou des mains sans avant-bras, directement rattachés au tronc également. Donc, ces phocomélies, donc les enfants phocomèles, c'est eux qui vont vraiment représenter la thalidomide, et le drame de la thalidomide. Et on a su par la suite qu'il suffit en fait d'un seul comprimé pour provoquer une malformation. Oui, on a découvert dans les années 70 qu'il suffisait d'un seul comprimé, parce que ça a un impact direct sur la formation des veines notamment. Et donc ça réduit l'afflux de sang à certains membres et c'est ce qui favorise la disparition ou la non-apparition de certaines parties du corps. Et cette recherche, en fait, c'est fascinant parce que on va vraiment documenter énormément les effets de la thalidomide et on peut même, dans cette fenêtre dont vous parliez, savoir la prise d'un comprimé tel jour provoque tel type de malformation. C'est aussi précis que ça. Oui, donc je connais plus l'ordre exact, mais on sait que les doigts sont pour tel et tel jour de grossesse, l'absence de doigts, l'absence d'oreilles ensuite. Puis on passe à des problèmes internes aussi, parce qu'il y avait aussi des malformations internes du cœur, de l'estomac, de l'intestin. Et puis les membres, donc qui sont plus dans cette période de la 20e, 40e semaine. Bon, le fabricant allemand, donc Grünenthal, va nier tout ça, va réfuter les conclusions du Dr. Lenz qu'on vient d'entendre. On écoute justement quelqu'un de la Grünenthal, Günther Sievers, il est porte-parole de Grünenthal, entrevue qui est aussi accordée en 1968, la fameuse année du procès en ex-RDA. L'accusation du Dr. Lenz dans une telle formule généralisée, nous ne l'accepterons pas. Le thalidomide est-il un facteur ou un facteur partiel, cause d'une malformation? Nous avons dénombré une grande quantité de femmes qui n'ont jamais pris de contergants et qui ont malheureusement mis au monde des enfants malformés. Dans ces cas, les malformations sont identiques à celles enregistrées par Dr. Lenz. Bon, alors, on nie tout du côté de la Grünenthal. Ça va durer un bon bout de temps, d'ailleurs. Il reste que Alexandre Klein, ce cri d'alarme lancé par le Dr. Lenz, va mener à une action assez rapide. À partir du moment où ça bouge assez rapidement. Oui, alors en fait, c'est même pas vraiment le Dr. Lenz, dans le sens où le Dr. Lenz va développer beaucoup d'efforts pour faire entendre sa voix, mais c'est un article anonyme qui paraît en Allemagne en novembre 1961, qui va obliger la compagnie à retirer le produit. Donc la compagnie va retirer d'elle-même le produit au départ à la fin du mois de novembre 1961, parce qu'un article est paru dans un grand quotidien allemand dénonçant le risque de ce médicament-là. Et ils vont le retirer, non pas parce qu'il est dangereux, parce que on l'a entendu, ils admettent pas vraiment qu'il est dangereux. Ils admettent que peut-être il y a des risques, mais qu'on peut pas le généraliser. Et donc ils vont le retirer parce que, selon eux, le débat scientifique n'est pas sain. On peut pas avoir un débat sain avec les accusations qui sont faites. Mais dès le lendemain, donc on est le 30 novembre 1961, dès le lendemain, l'Allemagne de l'Ouest à cette époque-là retire l'autorisation de mise sur le marché du produit. Et là, très rapidement, en effet, ça va s'enchaîner. L'Angleterre, le 2 décembre, l'interdit aussi. Et puis, les pays vont, les uns après les autres, retirer le produit, à l'exception notamment du Canada. Ouais. Et les derniers vont être le Japon, le Brésil, le Mexique, qui vont le retirer à la fin de 1962. Donc, le retrait au Canada se produit au printemps 62, c'est ça? En mars 62, oui. Donc, pourquoi ce retard? Trois mois presque après. Alors, pour des raisons qui sont assez diverses. La première, c'est que le gouvernement va très rapidement réagir. Donc on est le 1er décembre, donc le lendemain de l'annonce du retrait en Allemagne, Ottawa fait une réunion avec les représentants de William Merrell, qui est la compagnie américaine qui vend à ce moment-là le Kevadon, c'est sous ce nom qu'est vendu le produit au Canada. Et donc fait une réunion, et de cette réunion ne ressort pas une interdiction, mais simplement un avis pour faire attention à l'usage du produit. Donc c'est très étrange. On se demande aussi pourquoi le conseil d'administration, à ce moment-là, des aliments et des médicaments, se réunit avec le fabricant et finalement va dans le sens du fabricant. Mais donc, pas de décision ferme du côté du Canada, c'est la première raison. Mais il faut aussi voir qu'au Canada, le produit avait été vendu seulement à partir d'avril 61, légalement. Il y avait eu des échantillons qui avaient circulé dès 1959, mais seulement à partir du 1er avril 1961 que le produit avait été autorisé. Et donc, quand on arrive à la fin de l'année 61, on n'a pas encore vraiment de cas au Canada. Mmh. On sait que à partir de février 1962 seulement, on a 8 cas de naissance suspectes. Et des cas qui sont répertoriés notamment dans la région de Winnipeg, qui ne surprennent pas tout de suite les pédiatres parce qu'on a l'habitude, à ce moment-là, de voir des déformations. Ah bon? Chez certains enfants, notamment dans cette région-là. Donc, ça va prendre du temps avant que le Canada se rende compte qu'on est face... Malgré l'expérience européenne là, qui parle. Malgré l'expérience européenne. Ouais. Bon, ce drame-là, évidemment, il est terrible pour les parents et les enfants qui souffriront de ces malformations. Je vous propose un extrait d'une entrevue. Ça donne une idée de la mesure que ça peut prendre dans la vie des gens. Extrait d'une entrevue avec le docteur Yves Gingras en février 64, qui parle du phénomène, en fait, carrément d'abandon des enfants de la thalidomide. Est-ce qu'il y en a qui ont abandonné leurs enfants? Il y a quelques familles, et ça se répète, n'est-ce pas, non seulement dans la province, mais au travers du pays, dans les autres pays où nous sommes allés. Il y a des familles qui, devant ce problème, ne peuvent supporter la vue d'un enfant comme ça, et malheureusement, l'abandonnent complètement. Mais alors, dans ce cas-là, vous, que faites-vous de ces enfants? Eh bien, nous tentons de les réhabiliter au sein de la famille. Nous avons réussi, dans quelques cas, à faire venir les familles, à leur expliquer, à leur montrer l'enfant, à leur prédire l'avenir au sujet des prothèses, au sujet de l'éducation possible de ces enfants-là. Enfin, le problème n'est pas plus complexe qu'un homme, qu'un adulte qui perd les deux jambes, et ça se voit assez fréquemment, des adultes qui perdent les deux bras ou perdent les deux jambes. Et ce sont des gens qui peuvent être réhabilités, qui peuvent réintégrer le sein de la famille. Alors, pourquoi pas commencer au commencement chez un enfant? C'est assez troublant, Alexandre Vettelin, ce qu'on vient d'entendre, ce témoignage du docteur Gingras. Ça montre l'horreur, ce que ça a pu donner, en fait. C'est très, très difficile. On a des images en tête des enfants qui souffrent de malformations importantes. Ces abandons, il y en a au Canada, il y en aura ailleurs aussi. Oui, et c'est une des raisons pour laquelle la thalidomide a vraiment marqué aussi les esprits. C'est que, contrairement à d'autres scandales pharmaceutiques où les gens mouraient, par exemple, ou avaient des maladies, là, on voyait naître ce qu'on appelait à l'époque des bébés monstres. Ouais. Donc, il y a eu toute cette polémique dans les journaux. Est-ce qu'on peut appeler ça des monstres? Et donc, en effet, c'était difficile de vivre avec ses enfants, pour les familles, de supporter ces enfants-là. Donc à la fois parce qu'il y avait le stigmate du monstre, être un monstre c'est différent, on est stigmatisé par la société, on est le parent d'un monstre, on a donné naissance à un monstre, mais aussi parce que, comme le dit le docteur Gingras, il va falloir ensuite vivre avec ces enfants-là. Et donc il faut adapter la maison, il faut développer des prothèses, il faut faire de la rééducation, il faut leur offrir les moyens de vivre dans ces conditions-là. Donc en effet, il y a une grosse difficulté au Canada et dans le monde entier. Et un des grands cas, ce qu'on a appelé le procès de la thalidomide en 1962 en Belgique, c'est une mère de famille qui a tué son jeune enfant faux comme elle, donc qui n'avait pas de bras ni de jambes, après 4 jours à peu près. C'est une histoire horrible puisque les médecins ne voulaient pas lui montrer. Pendant plusieurs jours, elle n'a pas pu voir son enfant. Puis quand elle l'a vu, elle a été choquée, terrifiée. Et en rentrant à la maison, elle a mis sur pied un assassinat au barbiturique avec l'aide de son médecin. Et donc toute la famille s'est retrouvée en procès pour le meurtre de cet enfant en 1962. Et le jury populaire les a acquittés, c'est-à-dire leur a rendu la liberté. Ce qui a soulevé évidemment des hires, notamment de l'Église. Le Vatican s'est impliqué là-dedans. Parce qu'on ouvrait la porte à la possibilité de tuer ses enfants. Et il y a des questions qui se sont posées. Une petite célébrité américaine de l'époque avait aussi annoncé publiquement qu'elle voulait aller se faire avorter. Non pas parce qu'elle savait qu'elle allait avoir un enfant déformé, parce que à cette époque-là, il faut se rappeler que les moyens pour voir les enfants, l'échographie, n'existaient pratiquement pas. On ne l'utilisait pas. Et donc, elle avait choisi d'aller se faire avorter en Suède parce qu'elle avait pris un comprimé de thalidomide pendant un voyage en Angleterre. Préventivement. Et donc, cette polémique-là existe dans les années 60. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? Parce qu'il faut aussi se rappeler que sur... On n'a pas vraiment de chiffres. C'est entre 10 000 et 20 000, plutôt 12 000. Il n'y en avait que la moitié qui vivaient. Parce que les malformations étaient aussi internes. Donc, il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient avant la naissance ou au moment de la naissance. Et donc, que faire avec les enfants qui y restaient? Donc, il y aura procès, il y aura cette histoire de cette Américaine. Il y aura aussi des familles qui s'organiseront, des recours qui seront intentés, mais des associations de familles qui vont s'organiser aussi. Oui, très rapidement. Ce qui conduira à d'autres procès encore. Très rapidement, des associations vont s'organiser parce que il faut vivre avec ces enfants-là, il faut faire quelque chose, il faut s'organiser. Et surtout, les gens ont besoin de trouver un coupable. Donc c'est beaucoup aussi vers l'État qu'on va se retourner. Alors ça dépend des pays. L'Angleterre, par exemple, dès 1963, va mettre sur pied une association très forte pour défendre les parents d'enfants de la thalidomide. Et eux, ils vont réussir à avoir un arrangement avec la compagnie qui distribuait le produit sur place, arrangement financier. Mais dans d'autres pays, ça va être différent, notamment au Canada. Mais on va essayer de trouver un coupable, trouver un responsable et essayer d'obtenir des moyens pour continuer à vivre avec ces enfants-là et surtout pour permettre à ces enfants-là de vivre une vie digne et correcte. Et au Canada, comment ça va se régler? Alors au Canada, ça va être long et compliqué. Les parents vont se réunir assez vite. Il faut voir aussi qu'au Canada, on comptait entre 150 et 100 cas d'enfants qui étaient vivants, nés de la thalidomide. Alors qu'en Allemagne, c'était 3000 par exemple. Donc les proportions étaient moindres. Mais donc ça va être très très long. Dès 1963, le gouvernement de l'époque libérale va s'engager à verser des fonds pour les familles, mais ça ne va pas arriver tout de suite. En 1987, donc presque plus de 20 ans après, l'association des amputés de guerre va créer un comité pour s'occuper de la thalidomide, puisqu'ils rencontraient des problèmes similaires en termes d'usage de prothèses, normalement d'adaptation. Et c'est là que va naître l'association des victimes de la thalidomide au Canada, qui est aujourd'hui une des plus grosses associations, une des plus actives en termes de défense d'enfants qui ont aujourd'hui un peu la cinquantaine. Et donc cette association-là va, en 1991, obtenir du gouvernement qu'il verse de l'argent. Donc, il y a un débat, on parle de 7,5 millions de dollars au départ. Les associations ont demandé 20 000. Un versement de 9 millions, finalement, est fait en 1991. Mais on sait que ça va durer, puisqu'encore en 2015, le gouvernement a reversé une indemnité supplémentaire. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'adapter des maisons, il ne s'agissait pas seulement de permettre d'avoir accès à des médecins, d'avoir accès à des prothèses, mais il s'agissait aussi de permettre à des gens qui ne peuvent pas forcément travailler dans la vie de tous les jours, de pouvoir survivre et vivre au quotidien. Un mot sur les États-Unis. C'est un cas d'exception. Les États-Unis qui échappent à cette horreur de la thalidomide, beaucoup grâce à une Canadienne, Frances Kelsey. Qui est-elle? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Donc, entièrement, même on peut dire, grâce à Frances Kelsey, puisque Frances Kelsey, c'est une pharmacologue. Elle se retrouve à la FDA, la Food and Drug Administration, en 1960. Elle rentre là, c'est un de ses premiers emplois, c'est sérieux. Et donc, tout de suite, on lui met dans les mains le dossier de William Merrill, donc qui veut vendre la thalidomide sur le territoire américain. Et à cette époque-là, on avait seulement 60 jours pour se positionner. Parce que si au bout de 60 jours, il n'y avait pas de décision officielle, c'était une mise sur le marché d'office. Et donc, elle va étudier très sérieusement ce dossier-là. Elle va trouver que les preuves de la non-toxicité du produit ne sont pas assez affirmées. Elle trouve que les études cliniques sont pas sérieuses. Donc, elle va demander à la compagnie de produire d'autres preuves de la non-toxicité. Et elle va parvenir, comme ça, de mois en mois, en redemandant des preuves, parce qu'elle avait des doutes. Et plus le doute se creusait, plus elle découvrait aussi à ce moment-là, parce qu'on est dans les années 60-61, plus elle découvrait aussi, elle entendait que en Europe, on avait de plus en plus de cas importants. Et donc, elle va réussir à freiner finalement la mise sur le marché de mois en mois. Et finalement, au moment où ça aurait pu arriver, la compagnie Grünenthal en Allemagne retire le produit. Mmh. Et donc demande à sa filière américaine d'en faire de même. Et cette Canadienne, d'ailleurs, sera décorée par le président. Alors elle va être reconnue comme une des rares femmes à avoir sauvé la nation. Donc elle a un prix pour la nation américaine. Donc elle va être décorée par le président Kennedy dès 62 pour son œuvre. Alors, avant de conclure cette émission, un dernier extrait qui nous mène à cette conclusion, mais tout droit à cette conclusion. Grünenthal, qui finira donc cette firme par s'excuser en 2012, 50 ans après l'horreur de la thalidomide. Extrait d'un reportage d'Émilie Dubreuil. Unser tiefes Mitgefühl für die Betroffenen, ihren Müttern. Notre si long silence s'explique par le choc que vos destins nous a causé, a expliqué le directeur exécutif du fabricant, le laboratoire Grünenthal, à l'occasion du dévoilement d'un mémorial en hommage aux victimes. It's the sort of apology you give when you're not really sorry. Cette mère australienne trouve que les excuses de Grünenthal sonnent faux. Et elle n'est pas la seule à se sentir insultée par le timide aveu de culpabilité. En Allemagne, où l'on compte 4000 victimes, l'acte de contrition de Grünenthal paraît dérisoire face à l'ampleur du désastre. Malgré le fait qu'on connaissait dès 1961 les ravages causés par la thalidomide sur les fœtus, le gouvernement du Canada a tardé à en interdire la vente. Et c'est au Québec qu'on trouve le plus grand nombre de cas. L'avocat Pierre Marois a poursuivi le distributeur de la thalidomide en Amérique du Nord, Richardson Merrill, au nom des victimes. Richardson Merrill a poursuivi ses travaux de laboratoire. Et tout ce qui va se produire sur les malformations des enfants va se produire durant leurs expériences en laboratoire sur des rats de laboratoire. Alors donc, il le savait. Il savait exactement quelles étaient les implications, les conséquences. Alexandre Klein, le savait-il ou pas? Que savait Grünenthal, en fait? On a su assez rapidement qu'il y avait un faisceau concordant d'indices qui pouvait nous dire que la thalidomide causait ce genre de naissance. Après, de là à affirmer, notamment dès les années 60, qu'il y a une cause directe, c'était un petit peu plus difficile que ça. C'est pour ça qu'on a travaillé longtemps encore sur la thalidomide pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé réellement. Mais, au vu des annonces publiques, dès 1961, le Lancet, qui est le grand journal britannique médical, il y a une lettre ouverte qui est faite contre la thalidomide. On le savait. Ouais. On le savait. Et la thalidomide aujourd'hui, elle est encore utilisée pour certains cas précis. Elle n'a presque jamais arrêté d'être utilisée. Parce que les derniers comprimés ont été au Japon encore sur les tablettes en 1963. Et dès 1964, on va lui découvrir des effets positifs sur la lèpre, notamment. Et ensuite, les études vont se développer. On va pour le lupus. On l'a donné un moment aux malades du sida aussi pour développer certaines infections qu'ils avaient dans la bouche. On a pu le donner dans les cas de cancer, dans la maladie de Crohn. Voilà, on a découvert d'autres applications. Elle est aujourd'hui donnée dans des cadres très très précis, avec des protocoles très serrés, à certains malades, dans certaines conditions. Et elle semble faire des effets, notamment sur la lèpre. Alexandre Klein, philosophe, historien de la santé, chercheur postdoctoral à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.